Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. J'espère que vous allez bien et commençons par Mozart. Mozart et sa symphonie numéro 40, Köchel 550. Köchel, c'est le nom du musicologue qui a classé les œuvres de Mozart. Et donc cette symphonie 40, elle a connu une gloire un peu inattendue au début des années 70 grâce au chef d'orchestre argentin Valdo de los Rios qui avait arrangé son premier mouvement avec batterie, guitare basse, etc. Et ça a été un tube planétaire inattendu. Bon, voilà, maintenant on va revenir à l'œuvre authentique, celle de Mozart, composée en 1788, durant l'été 1788, un été particulièrement fécond. Et en juin, Mozart compose la symphonie 39, en juillet la 40 et en août la 41. Triptyque, trilogie, on peut voir ça comme on veut. Quoi qu'il en soit, même si on ne connaît pas vraiment les raisons qui ont poussé Mozart à composer ces symphonies, qui seront d'ailleurs les dernières qu'il va écrire, eh bien on peut penser qu'il y avait quand même un projet derrière. Lequel? Mystère. Peut-être il destinait ses symphonies aux concerts d'abonnement, aux concerts par souscription. La saison allait commencer. Peut-être envisageait-il un voyage à Londres. C'est quelque chose qui est souvent revenu dans les lettres de Mozart, l'idée d'un voyage à Londres suivant les pas de Haydn, qui avait connu dans la capitale britannique un succès absolument considérable avec l'enrichissement qui va avec. Donc quelque chose de tout à fait lucratif, et puis en plus bon, l'idée aussi de sortir un peu de l'Autriche et de Vienne où on ne comprenait pas finalement sa musique. Alors on va écouter le premier mouvement de cette symphonie 40, je pense que vous allez reconnaître, Molto Allegro, dans une interprétation que j'aime beaucoup, celle de Christopher Hogood avec son ensemble The Academy of Ancient Music, un cycle qui a des symphonies qui datent des années 80-90, formidable cycle, et Christopher Hogood et ses musiciens avaient enregistré toutes les œuvres de Mozart destinées dans le registre de la symphonie, officiellement 41, mais bien plus dans cette somme. Thank you. Premier mouvement, molto allegro de la symphonie numéro 40, Köchel 550 de Mozart, avec The Academy of Ancient Music, dirigé par Christopher Hogood, la version avec clarinette, parce qu'il y a plusieurs versions, une avec clarinette, l'autre sans. Et Christopher Hogood a d'ailleurs enregistré les deux versions. Vraiment une interprétation de référence. Alors, on a appris il y a quelques jours le décès du pianiste américain Byron Janis. Byron Janis, il était né en Pennsylvanie en 1928. Il commence l'étude du piano à l'âge de 7 ans. Et il va rencontrer Joseph et Regina Levin, qui était un duo de pianistes absolument incroyable. Des disques d'ailleurs formidables de ce duo de pianistes, qui vont évidemment perfectionner son jeu. Et puis, il débute avec succès en 1943 comme soliste dans le deuxième concerto pour piano de Rachmaninoff avec le NBC Symphony Orchestra dirigé par Frank Black. Et c'est vrai que Byron Janis sera toute sa vie associé à Rachmaninoff. Il faut savoir que son enregistrement du premier concerto de Rachmaninoff avait servi, avait été choisi pour le générique de l'émission littéraire Apostrophe, fameuse émission littéraire. Et bon, Vladimir Horowitz entend Janis, Byron Janis dans différents concerts, il s'emballe et il va le prendre comme élève pendant 3 ans. Et là, c'est vraiment un miracle parce que Vladimir Horowitz était vraiment le pianiste majeur des États-Unis à cette époque-là, avec quelques autres, bien sûr, comme Rubinstein, mais quand même, Horowitz était quelqu'un et il n'avait jamais d'élève. Et il prend Byron Janis pendant 3 ans, là encore, pour perfectionner encore son jeu, si c'était encore possible, pour lui donner encore quelques ficelles. Et il fait ses débuts, Janis, au Carnegie Hall en 1948. Après, ce sont des tournées en Union soviétique qui vont le faire connaître, notamment en 60-62, une époque où, évidemment, on est en pleine guerre froide. Il y a l'histoire de la baie des cochons, des missiles à Cuba, enfin bref, une période très très difficile sur le plan international, surtout entre les États-Unis et l'URSS, donc période de grande tension. Et lui, il va jouer, donc le pianiste américain, l'un des plus célèbres, va jouer en Union soviétique et enregistrer quelques disques. En 1967, il découvre la France, il va d'ailleurs beaucoup s'intéresser à notre pays, et il va découvrir même 2 valses de Chopin dans des manuscrits dans un château des Yvelines. Et en 1973, il est plus ou moins obligé de mettre sa carrière entre parenthèses parce qu'il est attaqué par un psoriasis géant sur les mains qui l'oblige évidemment à réduire le nombre de concerts. Et Byron Janis vraiment est considéré comme l'un des plus grands virtuoses de Chopin, mais aussi bien sûr de la musique russe, Rachmaninoff, Prokofiev, etc. Bah, c'est justement dans Prokofiev qu'on va le retrouver, la célèbre toccata, fameuse toccata extrêmement difficile, piano percussif, c'est-à-dire piano traité comme un instrument à percussion. Magnifique interprétation donc de Byron Janis. faut quand même en avoir dans les doigts hein, pour sortir une telle pièce, la toccata de Prokofiev, incroyable, et l'interprétation magnifique bien sûr de Byron Janis. On lui rendra un hommage encore dans l'émission de demain, puisque vous savez que notre émission est diffusée le samedi et le dimanche. On écoutera Byron Janis dans un autre compositeur. Offenbach et ses contes d'Hoffmann, un peu d'opéra maintenant, un opéra fantastique en trois actes de 1881 qui tranche mais alors complètement avec ce que Offenbach avait fait jusqu'alors, puisque c'était le roi de l'opérette ou éventuellement de l'opéra bouffe, mais il n'avait jamais composé vraiment d'opéra fantastique, en tout cas quelque chose d'aussi dramatique, puisque cet opéra eh bien évoque le tragique, l'amour impossible, et raconte les aventures de d'Hoffmann, artiste romantique en proie à l'échec, qui nous raconte donc ces trois passions funestes dans lesquelles, à travers lesquelles une personnalité maléfique apparaît sous différents habits. Et dans cet opéra, il y a plusieurs pièces qui sont très connues. Il y a les oiseaux dans la charmille, et puis qui est l'air d'Olympia, mais il y a aussi, bien sûr, Nuit d'amour, la barcarolle Belle nuit aux nuits d'amour, que l'on entend d'ailleurs dans le film La vie est belle de Roberto Benigni. Si vous avez vu ce film, je pense que vous reconnaîtrez tout de suite. Allez, on l'écoute, cette barcarolle qui bien sûr évoque quelque part Venise, avec Jody DeVos soprano et Adèle Charvet mezzo-soprano. L'orchestre de la radio de Munich est dirigé par Laurent Campellone. Belle nuit aux nuits d'amour, tirée des contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach, avec les voix de Jody DeVos et Adèle Charvet. Voilà, c'était donc l'orchestre radio de la radio de Munich, vous voyez, le disque qui a continué, dirigé par Laurent Campellone, ça arrive parfois. On continue avec un compositeur qui n'est pas très éloigné de nous, c'est quasiment un contemporain, même s'il est mort il y a quelques temps, quelques années, c'est Ryuichi Sakamoto. Il était japonais, comme son nom l'indique. Il a commencé par la musique pop et il s'est intéressé à la musique classique. Il a commencé à composer des choses un peu plus classiques, dirons-nous, mais il s'est fait surtout connaître comme compositeur de musique de film, évidemment un genre que je défends toujours parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans les compositions de musique de film. Et lui, il a gagné beaucoup d'argent et il s'est fait connaître grâce à la BO du film Furio, un film avec David Bowie qui évoquait les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale, un camp d'internement japonais. Et Ryuichi Sakamoto a composé la musique de ce film, mais de beaucoup d'autres. Allez, on va retrouver Sakamoto dans l'une de ses compositions les plus célèbres, Rain, Pluie, donc la musique de Ryuichi Sakamoto. Rain de Ryuichi Sakamoto. Et on continue avec de la guitare. Fernando Sor, guitariste et compositeur espagnol, né en 1778, mort en 1839, natif de Barcelone. Il avait été membre de la maîtrise du monastère de Montserrat, où il a également étudié. Il a d'ailleurs acquis une solide base musicale dans ce monastère. Donc il connaissait beaucoup la musique, connaissait très bien la musique. Il a découvert l'opéra adolescent, mais il se destinait quand même à une carrière militaire. Et malgré tout, la musique a pris le dessus. De 1799 à 1808, il a occupé différents postes administratifs. Et puis, il y a eu les guerres napoléoniennes. Au début, Sor s'est engagé dans l'armée espagnole pour combattre l'armée napoléonienne. Et puis finalement, il s'en est bien accommodé. Il est devenu ce qu'on pourrait appeler, à tort ou à raison, un collabo. Donc, une fois que Napoléon a été destitué, il a fallu qu'il quitte l'Espagne. Il s'est installé à Paris, puis à Londres. Mais c'est à Paris qu'il a surtout vécu, où il fréquentait les salons. Et la guitare était très appréciée d'ailleurs à cette époque, vers 1820-1830. On appréciait beaucoup la guitare, et c'est à cette époque-là qu'il compose ses études, peut-être d'ailleurs influencées par le succès de celle de Chopin au piano. Voici les études donc de Fernando Sor à la guitare. J'ai choisi la 13e opus 29, jouée par Jeffrey McFadden. Étude numéro 13, opus 29 de Fernando Sor, étude pour guitare bien sûr, jouée par Jeffrey McFadden. Et voici le moment de notre cycle consacré aux sonates pour piano de Beethoven. Alors jusqu'à présent, on a écouté les interprétations de Stefan Kovacevic, pianiste que j'aime beaucoup, qui a enregistré deux intégrales des sonates pour piano de Beethoven sur piano moderne. Et bien voici maintenant une interprétation sur piano forte, c'est-à-dire des pianos qui imitent ou qui sont des pianos de l'époque de Beethoven, de Mozart, de toute cette période. Et il y avait un grand spécialiste des pianofortés, c'était Paul Badura-Skoda, pianiste autrichien, qui a commencé par jouer sur des pianos modernes, concertiste absolument incroyable, et qui a collectionné chez lui, dans son grand appartement viennois, des instruments. Et il a enregistré une intégrale des sonates de Haydn et de Beethoven sur ces instruments. Alors on va écouter aujourd'hui la sonate en mi bémol majeur, quasi una fantasia. C'est la 13e. Elle a été publiée en même temps que la 14e, qui est très célèbre, la fameuse sonate au clair de lune. Deux sonates qui ont été publiées en même temps. Celle dite au clair de lune sera écoutée demain. Allez, on écoute tout de suite le final Allegro vivace de la 13e sonate de Beethoven, jouée sur un piano forte de 1790, une copie, jouée par Paul Badura-Skoda. Finale de la 13e sonate, opus 27, numéro 1 de Beethoven, jouée par Paul Badura-Skoda sur un instrument, un pianoforte, qui est une copie d'un instrument viennois de 1790. Francesco Geminiani, c'est un Italien, évidemment. Il est né en 1687 à Lucca. On ne sait pas trop quelle fut exactement sa formation. On sait qu'il a pris des cours avec son père, qui était lui-même violoniste. Il a probablement travaillé avec Corelli et Alessandro Scarlatti. Et ça devait être un fameux virtuose, puisqu'il avait intégré l'orchestre de l'Opéra de Naples. Et puis finalement, il est parti parce que l'orchestre n'arrivait pas à le suivre. Bon, et puis en plus, il était apparemment très fréquemment absent. Et Geminiani donc est parti pour l'Angleterre à 27 ans. Il a pu s'adonner à sa passion, qui était la peinture. Donc il achetait, il revendait, donc quelque sorte un marchand d'art. Et d'ailleurs, cette passion a failli le conduire en prison parce qu'il s'était considérablement endetté. Il était connu pour ses concerti grossi, magnifiques. Et je vous propose d'en écouter un, le tout premier, l'opus 2 numéro 1, deux mouvements andante allegro, joué par l'ensemble Capella Istropolitana, dirigé par Jaroslav Krecek. Thank you. Un extrait du concerto grosso en ut mineur opus 2 numéro 1 de Francesco Geminiani avec l'ensemble Capella Istropolitana dirigé par Jaroslav Krejček. Beethoven, on a écouté il y a un instant une sonate pour piano. Voici une œuvre, mais alors beaucoup, beaucoup moins célèbre, la consécration de la maison. Ça vous dit quelque chose? Bah, c'est vrai que cette consécration de la maison, l'ouverture tout au moins, on la trouve dans toute bonne intégrale des ouvertures, mais c'est pas une œuvre qui est très, très fréquemment jouée. D'ailleurs, Beethoven était assez mécontent de cette œuvre-là. Moi, je lui trouve beaucoup de qualité. Alors, en fait, ça devrait s'appeler d'ailleurs la consécration du théâtre, parce que cette ouverture, avec quelques numéros de scène, enfin, il y en a un, a été composée pour la réouverture d'un théâtre viennois. Beethoven n'a pas vraiment fait beaucoup de publicité pour cette œuvre, encore une fois, que moi, je trouve assez intéressante. Elle date des années 1812-1813, donc à une époque où il maîtrise complètement l'art symphonique. Je vous propose d'écouter un chœur. Le seul peut-être d'ailleurs qu'il a composé pour cette œuvre de circonstance, un chœur avec soprano. On va l'écouter chanté par la soprano Phyllis Bryn Jolson, le Bach Society of Minnesota, ça c'est le chœur, l'orchestre Minnesota dirigé par Stanislas Skrovazewski, et on va se rendre compte, que c'est vraiment une musique qui n'est pas sans intérêt. Thank you. Ah, une rareté selon moi qui mériterait d'être un peu mieux connue quand même. C'était un chœur avec voix solo tiré de la consécration de la maison de Beethoven, interprété par la soprano Phyllis Bryn Julson, le Bach Society of Minnesota, le Minnesota Orchestra dirigé par Stanislas Skrovazeski. Vraiment une œuvre intéressante avec un solo de violon qui annonce celui de la Missa Solemnis. Allez, on termine avec une valse, Golden Hills, une œuvre de Shostakovich, assez intéressante parce que pour une fois, et bien pour une fois, elle est rarement utilisée, mais on y trouve de la guimbarde. Ah oui, pas vraiment un instrument classique. On l'écoute tout de suite, cette valse de Golden Hills. Thank you. La valse Golden Hills de Shostakovich, interprétée par l'orchestre symphonique du ministère du RSS, dirigé par Gennady Rozhdestvensky. Ben, on se retrouve demain, hein, demain à 11h, pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Excellent samedi à toutes et à tous, et à demain.